Une délégation coréenne conduite par Lee Yong-ho, ministre des Affaires étrangères, est arrivée le 24 juillet à Vientiane, Laos, par vol, pour participer à la conférence ministérielle du Forum d'ASEAN.